passe, encore un délit. Encore un délit, encore du sang, encore un délit. Je peux pas m'arrêter là, j'y pense depuis petit. Un demande de compte, se font à tout cœur. On répond pas sur Twitter, on vient te chercher directement chez ta tibère. À 15 ans, j'en baisais déjà vers ma lala. Comme si j'avais pété le gros lot. Encore une liasse, encore du sang, encore un délit, je peux pas m'arrêter là, j'y pense depuis petit, je peux pas m'arrêter là, j'y pense depuis petit. Les règlements de compte se font à toute heure. On répond pas sur Twitter, on vient te chercher directement chez ta tibère. C'est pas ton vagin qui nous rendra locaux. À 15 ans j'en baisais déjà vers Malaga. Comme si j'avais pété le gros lot. J'oublie pas le coton, j'oublie pas les colons. J'oublie pas que ça recalait. 64 millions de vues plus tard, ces bâtards ils aimeraient nous coller. Ils ont du culot, on a des principes, on a des valeurs. Mais la URA fait de nous des grands voleurs. Maman désolé, j'aime trop les îlets, j'aime trop la monnaie, j'suis parti avant l'heure. Tu regardes tes cartes mais tu bluffes. C'est moi qui gagne bien évidemment. Attention on regarde des meufs. C'est peut-être une équipe qui t'attend. Personne qui passe aux aveux, une recherche de 1000 pour le shit, 400 E pour la bœuf, 22 y'a les bleus, chez la sécu je suis coffré, y'en clique le, on a débité toute la journée. Ravitaille de 3 kills, c'est nous les méchants de la ville, reliqués dans le parking, c'est nous les méchants de la ville. Y'a des trucs à ne pas faire, y'a des trucs à ne pas dire. C'est nous les méchants de la ville, c'est nous les méchants de la ville. On rêvait du diamant, on a fait trois fois platine, on va pas s'en plaindre. Je les entends geindre, je suis dans la jungle, je les entends geindre, je suis dans la jungle. Avec les lions, complètement léoué, je te braque ta mère et tu danses le maléwa. On a trop erré, on a fait la guerre. On prend tes photos placées dans le classeur. Mon joint part en carotte, on a les jouets qui font bander les chasseurs. Qui font pleurer leurs darons, et les vrais savent qu'on est vrais. Et toi-même tu sais qu'on est prêt. Tout tire comme des pros, on dessine ton corps à la crêpe. Pour le papier faut montrer l'écro. Une moto noire, une revanche froide, réglée à chaud. Il sait pas que c'est sa pute qui nous donne les infos. Je peux plus ressortir, je suis tout au fond. Je me demande comment faire pour éviter le feu. Des business illégaux, freinés par le magistrat. C'est Nino El Maestro. Dans le bendo c'est parti. Personne qui passe aux aveux. Une recherche de 1000 pour le shit, 400 E pour la bœuf, 22 y'a les bleus. Chez la sécu, je suis coffré. Y'en clique le, on a débité toute la journée. Ravitaille de 3 kills, c'est nous les méchants de la ville. On liquait dans le parking, c'est nous les méchants de la ville. Y'a des trucs à ne pas faire, y'a des trucs à ne pas dire. C'est nous les méchants de la ville, c'est nous les méchants de la ville.